Anna, c'est pas vrai que je parle à deux filles en même temps, je parlais qu'à toi et je t'aime, bisous. Voilà, merci, merci. Oh, c'est bon, excellent, je me sens à la radio. Excellent. Et moi, je me sens à la radio. Bonjour à tous. Retenez Clovis Boulet, il va percer dans très peu de temps. C'est moi. C'est quelle radio? L'homme s'est déplacé jusqu'à Stein quand même, il faut préciser ça. Un long trajet? Long trajet ou pas? N'hésitez pas à venir au carnaval de Berg. Carnaval de Berg, venez en force. Chez moi, je fais une chapelle, vous êtes tous invités. Tous ceux qui écouteront ce message, vous êtes invités. L'adresse c'est 6 rue de Carnot. Donc vous êtes les bienvenus. Venez en force. Voilà, venez autant que vous voulez, autant que vous êtes. Femme, homme, cheval, briquette, je m'en fiche. Venez. Il y aura tout ce que vous aimez et on se sait, nous les carnavaleuses, qu'on aime. Voilà. Donc bonne soirée à vous. Profitez bien, reposez-vous bien et venez en forme à Berg. C'est tout ce que j'avoue. Merci. Excellent, j'ai amené mon adresse en ligne. J'ai amené mon adresse en ligne. Je ne suis pas trop fatigué, mais sinon. Comme là, dimanche prochain, c'est Giveld. Et je vais aller à Giveld. Et je sais que le premier. Je ne sais plus, il y aura bientôt le bal du chat noir. Mais malheureusement, il n'y a plus de place. Et j'ai vu, il y avait la queue en bas de chez moi pour les places. Et c'est parti en 10 minutes de temps. Oui, j'ai dit, mon mari n'aime pas le carnaval. Alors j'ai dit, ah zut, maintenant je t'écoute plus, je vais faire mon carnaval. Voir si il ne m'opère pas de mon genou, le chirurgien. Ah, faut voir maintenant qu'est-ce qu'il va dire à la fin du mois, fin février, le chirurgien. Ouais, je fais du ménage dans une salle d'arcade. Donc, il y a beaucoup de. C'est un peu le même genre qu'il y a à Coquel, avec les pinces, les grues. Sauf nous, on n'a pas de bowling à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a une. Il y a une succursale encore à Ostende. Hein. Et là-bas, le réflexe, il fait 1200 mètres carrés. Là, je travaille pas, moi, là-bas. J'ai assez avec la panne. Ben, l'ambiance, là, ça va. Mais la semaine dernière, je suis partie plus tôt parce qu'il y avait de la bagarre. Ouais. Il dit qu'il y a de la bagarre, j'aime pas, donc je préfère partir. On sait jamais. Ben, c'est beaucoup les jeunes. Ils sont déjà, avant d'arriver au carnaval, ils sont carrément... À prendre pour les ramener directement à l'hôpital, ils sont dans le coma et tout. Hein. Et après, c'est la bagarre. Mais c'est l'année dernière, il y a un carnaval, il a été interrompu parce qu'il y a eu de la bagarre à Rouscapelle. Hein. Ils l'ont interrompu entre deux. Hein. Ça se bagarrait trop. Ouais. Sinon, le meilleur carnaval, c'est. Quand on a fait les bandes, qu'on n'avait pas le droit de faire le carnaval avec le Covid, il n'y a pas eu une seule bagarre. Parce que c'était vraiment entre nous. Il n'y a pas eu ceux qui venaient de l'extérieur, les jeunes, pour foutre le bordel. Oh, là, c'était vraiment le plus beau carnaval de tous les temps.